vieille pierre précieuse. Tu es comme un trait de lumière dans cette atmosphère si sombre. Une scène de vie mélodieuse si calme à cette heure. Si douce comme du velours. Jacques, je ne te connais pas encore. Tu viens juste d'éclore. Jacques, petite fille, petit trésor, reflet de reflet d'or. Pierre précieuse, tu es une graine de l'amour, un espoir, un bon jour dans cette vie ennuyeuse. Si calme à cette heure, si douce comme du velours. Jacques, je ne te connais pas encore. Tu viens juste d'éclore. Jacques, petite fille, petit trésor, reflet de Jacques, je crois déjà te connaître, car le fruit de ces deux êtres. Plein de rire et d'amour, plein de vie depuis son jour. Reflet de reflet d'or.